Chapitre 13. En sortant, Denisot avait tiré la porte de la cuisine sur lui et elle s'était fermée. Mais la cloison était assez mince pour que le colonel entendît cependant ce qui se disait dans l'atelier. « Entrez, monsieur, » dit une voix grave. « Je vais vous remettre votre mémoire. Il est dans le tiroir de mon établi. » Le colonel ne voyait pas ceux qui venaient d'entrer dans l'atelier, mais ses paroles lui disaient que son oncle n'était pas seul. Aussi, au lieu d'aller au-devant de lui, comme il en avait eu tout d'abord l'intention en entendant la porte du palier s'ouvrir, resta-t-il devant le fourneau. Il attendrait que le visiteur fût parti, ou bien que Thérèse entrât dans la cuisine. Mais le visiteur ne partit point immédiatement, et un bruit de serrure lui indiqua que Thérèse, au lieu de venir dans la cuisine, était passée dans une autre pièce. « J'ai lu votre mémoire, » continua la voix grave. « Je l'ai lu avec toute l'attention dont je suis capable et depuis j'y ai longuement réfléchi. »« Et vous ne voulez pas le présenter à vos camarades ?» demanda une voix plus jeune. « Je ne le peux pas. » »« Cependant, vous reconnaissez qu'il renferme de bonnes idées. » »« Oui, mais il en renferme aussi de dangereuses, dont je ne veux pas accepter la responsabilité. » »« La responsabilité serait pour l'auteur seul, il me semble. »« Moi, il me semble le contraire. » »« D'ailleurs, si vous trouvez que ma responsabilité ne serait pas engagée, » mon concours vous est inutile, et vous le refusez. Je le refuse. Mais vos raisons, ne voulez-vous pas au moins me les faire connaître? Je vous les ai données. Mais puisque vous insistez, je ne refuse pas de m'expliquer franchement. Peut-être cela vaut-il mieux d'ailleurs. Malgré toutes ces habiletés de rédaction, le but de votre mémoire se montre clairement. Au fond, c'est l'excitation à la guerre contre les patrons. Eh bien, ce n'est pas la guerre que je veux, c'est l'accord. C'est facile de pousser l'ouvrier contre le patron, et on ne s'en fait pas faute ces dernières années. On est sûr d'être écouté par un grand nombre de travailleurs quand on leur dit qu'ils ont tous les droits et que les patrons ont tous les torts. C'est un moyen presque certain d'acquérir une popularité qu'on exploite ensuite au profit de tels ou tels intérêts. Il a été un temps où nous nous laissions prendre à ce jeu, mais maintenant nous commençons à y voir clair. Pour mon compte, je n'ai jamais voulu flatter mes camarades, j'ai cherché à leur dire la vérité, voilà tout. Vous voyez donc bien que je ne peux pas soutenir votre mémoire. Voilà ma première raison. La première, alors vous en avez une seconde? Non, moins grave. Car votre mémoire poursuit encore un autre but, moins clairement indiqué celui-là, mais non moins dangereux. C'est de remettre la direction du mouvement social aux mains du gouvernement, afin que celui-ci s'en fasse un instrument d'action politique. Il y a déjà quelque temps qu'on cherche à nous amener là et qu'on nous fait des avances pour nous attirer. Eh bien, je vous l'ai dit en toute sincérité, pour nous, ces avances sont des menaces. Vous me connaissiez mal, monsieur, en me croyant capable de tout sacrifier à la question sociale. Pour moi, cette question est solidaire de la question politique. Il est vrai que depuis 1862, malgré certaines calomnies de nos ennemis, comme malgré certaines inquiétudes de nos amis, j'ai cru devoir mettre à profit toutes les facilités qui résultaient pour nous des circonstances, mais je n'ai jamais entendu sacrifier le citoyen à l'ouvrier. Si on a pu se tromper là-dessus, je vous le dis aujourd'hui pour que cela soit bien su. » L'entretien en resta là. Après quelques paroles insignifiantes, le colonel entendit la porte du palier s'ouvrir et se refermer. L'homme aux mémoires était sorti. Le moment était venu d'entrer dans l'atelier, mais aussitôt la voix d'Antoine reprit. « Vous voyez, mon cher Hermann, quelles tentatives ont fait auprès de nous. Dites-le à nos frères d'Allemagne, car tous les gouvernements agissent de la même façon. Tous comprennent qu'il est de leur intérêt d'utiliser à leur profit le mouvement social, et c'est seulement dans l'emploi des moyens qu'ils diffèrent. Vous avez le tort, là-bas, d'user en ce moment vos forces sur un point exclusif, c'est-à-dire dans ce que vous appelez la lutte des classes. On vous détourne de la politique et on vous égare. Expliquez à vos compatriotes que c'est une faute. On se trompe ou bien on les trompe. La tactique est partout la même, mais partout aussi la vérité est la même. C'est la liberté politique qui vous donnera la liberté sociale. Prêchez cette vérité dans vos congrès comme je la prêche et comme je la prêcherai toujours. » À ce moment, la porte de la cuisine s'ouvrit devant une jeune fille vêtue d'une robe de laine grise. En apercevant le colonel devant le fourneau, la fourchette à la main, elle recula instinctivement d'un pas. « C'est Denisot qui m'a chargé de surveiller sa poêle, » dit le colonel en souriant, mais je commence à être inquiet car je ne sais pas si je n'ai pas laissé tout brûler. » Elle restait indécise, se demandant sans doute quel pouvait être ce grand diable barbu et chevelu qui avait plutôt l'air d'un croque-mitaine que d'un cuisinier. « Mais, monsieur, » dit-elle en restant les bras demi-tendus en avant et les mains ouvertes dans l'attitude de la surprise, « si vous n'avez pas confiance dans un ami de Dionysos, au moins n'ayez pas peur de votre cousin. »« Ah, père !» s'écria-t-elle en tournant la tête vers l'atelier. « Mon cousin Édouard !» Il fit quelques pas au-devant d'elle, tandis que de son côté, elle venait au-devant de lui. Alors, tous deux, en même temps, ils se donnèrent la main. « Père, père !» cria-t-elle. Mais tout entier à son entretien, Antoine ne répondit pas. « Ne dérangez pas, mon oncle, » dit le colonel, « j'ai tout le temps d'attendre. » Sans avoir égard à cette recommandation, elle alla vivement à la porte de l'atelier. « Père !» répéta-t-elle. « Eh bien quoi ?» répondit enfin Antoine, levant la tête. « Mon cousin Édouard !»« Édouard ! Eh bien oui, Édouard !» s'écria Dionysos, qui rentre à ce moment même, « le fils de votre frère, votre neveu. Je lui donnais mon foie à soigner. Je parie qu'il l'a laissé brûler. » Abandonnant son interlocuteur, Antoine Chamberlain s'était dirigé vers la cuisine. « Ah, mon garçon !» dit-il en tendant les deux mains au colonel. Puis se reprenant lorsqu'il eut vu ce garçon, « Monsieur ?»« Monsieur ?» interrompit le colonel en souriant. « Mon cher neveu, » acheva Antoine, « je suis heureux de vous voir. Et moi aussi, très heureux, mon cher oncle, de me trouver enfin dans cette maison qui était celle de mon père. « Il y a longtemps que nous vous attendions, » dit Thérèse. « Si longtemps que nous ne comptions plus sur vous. Les affaires m'ont retenu. » « Je savais bien que le foie serait brûlé, » interrompit Dionysos. « C'est votre faute, Édouard. Si vous le trouvez dur en mangeant, il ne faudra vous en prendre qu'à vous. » En regardant ce foie cuire dans la poêle, le colonel n'avait pas eu l'idée qu'il en mangerait sa part. Mais puisqu'il paraissait tout naturel qu'il partageât le souper de ses parents, il ne voulut pas répondre par un refus à cette invitation indirecte. « Je n'en prendrai qu'à moi, » dit-il en riant, « et ne me plaindrai pas, soyez tranquille. » « Je vous avais pourtant bien recommandé, » continua Dionysos. « Assez, » interrompit Antoine, « nous avons mieux à faire qu'à parler de ces niaiseries. Si mon neveu Édouard veut bien partager notre souper, il le prendra tel qu'il est. » « Mon couvert à la place qu'occupait mon père, » répliqua le colonel, « c'est tout ce que je demande. » En entendant ces paroles, Thérèse avait ouvert une armoire pour atteindre une nappe. D'un geste, le colonel l'arrêta. « Mon père mangeait-il sur une nappe ? » demanda-t-il avec un sourire. « Non, » dit Antoine. « Eh bien, ma cousine, laissez ce linge dans l'armoire. Le fils n'est pas plus grand seigneur que ne l'était le père. » Elle n'insista pas, et refermant l'armoire, elle se mit à disposer le couvert sur la table, tandis qu'Antoine passait dans l'atelier pour congédier son ami Hermann. Pendant qu'elle allait et venait du buffet à la table et de la table au buffet, le colonel la regardait. Ce n'était pas encore une femme, mais ce n'était déjà plus une enfant. Ce qui restait enfant en elle était bizarre. Une tête trop grosse, des bras trop maigres et trop longs, des mouvements trop brusques. Mais ce qui était déjà femme modifiait cette impression première, et à l'étudier d'un peu plus près, il devenait certain, pour qui savait voir, qu'avant peu elle serait vraiment belle, avec ce charme parisien qui se trouve surtout dans la physionomie, et qui bien souvent rend séduisante des femmes sans nulle beauté. Bientôt Antoine rentra, le couvert était préparé, le souper cuit. Le moment était venu de se mettre à table. « Là était la place de votre père, » dit Antoine. « Voulez-vous la prendre ? » « N'attendons-nous pas M. Sauriol ? » demanda le colonel. « On n'attend jamais Sauriol, car on serait exposé à attendre toujours. Sauriol n'est pas un régulier. Peut-être arrivera-t-il dans 2 minutes, peut-être au contraire ne rentrera-t-il que demain ou après-demain. Thérèse, appelle Michel, je te prie. » Et le colonel vit entrer le jeune ouvrier dont Dionysos lui avait parlé. C'était un homme au visage énergique auquel le colonel lui donnait une 30aine d'années, s'il n'avait su son âge, assez beau garçon, mais avec des yeux noirs trop petits dont l'éclat et la mobilité produisaient une impression de trouble quand on voulait les fixer. Le colonel n'eut pas le loisir de savoir s'il avait bien ou mal soigné la cuisine, car pendant tout le temps que dura le souper, il dut répondre aux questions de son oncle. Malgré leur affection, les deux frères n'avaient pas eu le temps de s'écrire fréquemment ni longuement. C'était la vie entière de son père, depuis l'arrivée de celui-ci en Amérique, que le fils devait reconstituer et raconter. La soirée s'écoula sans que personne eût conscience du temps, et minuit sonna qu'ils étaient encore les coudes sur la table. Savez-vous ce que vous devriez faire ? Dit Antoine à son neveu. Ce serait de venir passer la journée de demain avec nous. Non pas ici, mais à la campagne. Il faut que vous sachiez que j'ai une passion, la pêche à la ligne. Et c'est lundi que ferme la pêche. Il ne me reste donc que la journée de demain. Dans une demi-heure, je vais prendre le train de minuit et demi à la Bastille pour aller coucher à Gournay et me trouver à ma place demain au jour levant. Thérèse, accompagnée de Denisot, viendra me rejoindre demain matin. Voulez-vous venir aussi ? Nous aurons toute notre journée à nous. Prenez le train à la gare de l'Est, descendez à Chelles, venez à pied jusqu'au pont de Gournay. Suivez la rive de la Marne en remontant le courant, vous êtes certain de me trouver. Cela vous convient-il ? Pour moi, pour nous, ce sera un plaisir. Le colonel hésita un moment. Oh, mon cousin, dit Thérèse. J'irai, dit-il en tendant la main à son oncle.